avant que les soirées où l'on s'écoule. Il te sert par derrière pour échapper au coup de boule. Est-ce juste un mec méchant quand plus le réveil qui sonne? J'ai les oreilles qui bourdonnent, j'ai presque plus de neurones. Comme une terre enchantée, comme une terre enchantée, comme une terre enchantée, comme une terre enchantée. Je t'enculerai, salope. Je te fais fuir un jour, ah.